sol pa di manye Mèm rete ma pasyonè Mèm vinge chagren Mèm vin yo tounè Petim chiri Ak espo a fè pa mouri Na patan pou nou rekonsilye San reta pou nou magye Na patan pou nou rekonsilye San reta pou nou magye Mon bébé, que moi remè li vin pati sol pa di manye Le mérite ma passionné là, mon rien chagrin Mèl vin retourne, le dim chéri Par espoir à faire pas mourir N'a pas tant pour réconcilier Sans retard pour nous marier N'a pas tant pour réconcilier Sans retard pour nous marier Depuis tout temps, t'es v'lais maguer. C'est vraiment qui t'a.